إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، donc je m'excuse en premier lieu par rapport à ma voix, je suis un peu malade aujourd'hui, donc je vous demande d'être un peu patient, même si le son est pas très fort aujourd'hui, inchallah, je vous demande d'être un peu patient. Première chose que je voudrais faire en guise de début de cours, ce serait de revoir les quelques notions qui ont été prises dans, je pense que c'était le deuxième hadith, hein, le deuxième hadith, Abu Waqid al-Layfi. C'était le hadith sur les cinq choses qu'on avait pris dans le hadith. C'était celui qui atteste que la ilaha illallah, que Muhammad Rasulullah et que Muhammad Abduhu Rasuluh, que Isa Abduhu Rasuluh. Comme on l'avait pris en fait un peu avec une certaine rapidité, certains frères m'ont dit que ça a été un peu rapide pour eux, donc on voudrait juste reprendre de manière très succincte, très résumée, quelques points qui sont importants dans ce hadith là. Donc première chose, je répète le hadith et après ensuite, comme j'avais promis, je vais laisser l'opportunité à des frères qui ont mémorisé le hadith de réciter le hadith. Vous inquiétez pas, je citerai pas de nom, inchallah, c'est sous le système du volontariat, mais c'est celui qui veut réciter le hadith, il est le bienvenu, et j'essaierai de le faire également moi-même, inchallah. Donc le hadith tani, le deuxième hadith, c'était pas le hadith d'Abu Waqid al-Layfi, c'était le hadith d'Ubadah ibn al-Samit. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم وأحمد. Donc, traduction, on avait déjà traduit ce hadith-là, on avait déjà fait le charh ensemble, l'explication du hadith la dernière fois, mais c'est juste pour, en termes de révision, parce que je sais qu'on avait un peu accéléré pour finir avant Salat al-Isha la dernière fois, et c'était un peu trop vite pour certains frères. Donc, d'après un hadith, une narration de Ubadah ibn al-Samit, qu'Allah l'agré, radiallahu anhu, arrah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, seul, sans rien lui associer, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et que Jésus Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah et son envoyé, et sa parole adressée à Maryam et un esprit venant de lui, et que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité, Allah le fera rentrer au paradis quoi qu'il ait fait comme action. Donc ça, c'était pour la traduction approximative du sens du hadith. Et on avait dit que le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari dans son sahih, dans son authentique, et chapitre des prophètes, Kitab al-Anbiya, et dans Muslim, dans Sahih Muslim, chapitre de la foi, Kitab al-Iman, d'accord, et également le Musnad de l'imam Ahmed. On avait fait la biographie du rapporteur, que je ne referai pas tout de suite. On va juste aller directement au fawa'id du hadith, qui sont en guise de synthèse en fait de l'explication de Cheikh Rabih Hafidhahullah Ta'ala. Donc ici, Cheikh nous dit que, et je vais peut-être reprendre le sens général du hadith aussi, parce que c'est le sens général du hadith qui reprend les cinq points importants qu'on devait connaître si on voulait au paradis. Et donc le sens général du hadith, le Cheikh nous dit ici « al-ma'na al-ijmali » يتضمن هذا الحديث خمسة أمور، من آمن بها وعمل بما تدل عليه في الظاهر والباطن دخل الجنة. Donc, أولها قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني آمن بالله عن صدق ويقين معترفا بالوحدانية لله تعالى، وتجرد عن عبادة غيره، وعمل بما تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه قولا وعملا. Donc la première chose qu'il fallait retenir de ce hadith là, c'est que le hadith comprend donc cinq choses. Celui qui croit et œuvre dans le sens de ces cinq choses, extérieurement comme intérieurement, rentrera au paradis. Donc on voit l'importance de la connaissance de ces cinq choses-là, si on veut donc aller au paradis. La première des choses, donc Cheikh nous dit ici, awwaluha, c'est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, seul, sans rien lui associer. C'est-à-dire accru en Allah de manière véridique et avec certitude, en reconnaissant l'unicité d'Allah, le Très-Haut, et délaisser complètement l'adoration d'autre que lui. Donc c'est important de vouer une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser complètement tout ce qui est adorant d'autre que lui, ce qu'on appelle kufr bit-taghut, et appliquer ce que comporte cette attestation comme suivi des ordres d'Allah et délaissement de ses interdits en parole et en action. Donc le premier point qu'on pouvait tirer de ce hadith-là, en termes de révision encore une fois, comme on a un petit peu le temps, c'est la, comme on l'a dans le hadith ici, « Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh » Donc ça c'était le premier point. Excusez-moi, c'était le premier point, c'était « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah » Celui qui atteste donc qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, donc la deuxième des cinq choses à retenir, c'est justement la deuxième partie de la shahada, c'était l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc Cheikh ici continue en disant: Thaniha shahadatu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani man i'taqada i'tiqadan jaziman la yaqbalu shakka bi anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arsalahu Allah ila al-thaqalain al-jin wal-ins برسالة شاملة كاملة، وأنه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات، وآمن بأنه عبد من عباد الله شرفه الله بحمل رسالته إلى العالم، فصدقه فيما أخبر به وأطاعه فيما أمر به وابتعد عما نهى عنه وزجر. Donc on avait dit le deuxième point important à retenir parmi les cinq points ici, c'est-à-dire celui qui croit fermement sans aucun doute que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, qu'il a envoyé aux deux mondes, qu'on appelle al-thaqalain, les hommes et les djinns, avec un message général, complet, et qu'il est le sceau des prophètes, du verbe sceller, et que son message est le sceau des messages, et croit qu'il est l'un des serviteurs d'Allah, que Allah a honoré en lui faisant porter un message au monde. Donc comme on avait dit plusieurs fois dans le cours, n'essayez pas de travailler un système de dictée, mais essayez de prendre plutôt des notes au vol et prendre les points importants, Inch'Allah. Donc lui faisant porter un message au monde, et aura rendu véridique ce en quoi il a informé. Donc c'est important de rendre véridique ce en quoi a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on l'avait dit la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de qui ? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et se sera éloigné de ce qu'il a interdit. On avait parlé de quatre points importants par rapport à l'attestation de Mohammed, que le Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit qu'un grand cheikh, un grand imam, les avait cités dans un livre très connu. On avait dit que c'était Cheikh Mohammed, Cheikh l'Islam, Mohammed Abdul Wahhab, rahmatullah alayh. Et c'était dans le livre Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. On avait dit Ta'atuhu fima amar. Le fait de lui obéir dans ce en quoi il a ordonné, le fait de rendre véridique ce en quoi il a informé. On avait dit quoi d'autre? Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, qui va en fait en opposé par rapport avec ta'atuhu fima amar, c'est-à-dire que le fait de délaisser tout ce quoi il nous a interdit. Et la dernière c'était wa an la yu'bad Allahu illa bima shara', le fait de n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a adoré. Quand vous revenez au sul talata, vous allez retrouver, Inch'Allah, ce petit passage, et c'est une parole que reprennent beaucoup de savants et qui est très importante au niveau de l'attestation de que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu aussi la ilaha illallah, on avait vu cette condition, vous vous souvenez, on avait dit que Cheikh Ibn Baz rahmatullah en rapportait 8 et il citait comme 8e Al-Kufr bi-Tarut. On avait cité, pour ceux qui veulent en termes de référence, de source, pour ceux qui veulent plus de détails au niveau des conditions de la ilaha illallah, qui pouvaient revenir au shurut de la ilaha illallah expliqué par Cheikh Ubayd Al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Et je vous ai trouvé l'édition, j'ai regardé à la maison, et c'était Maktabat al-Ghuraba. Maktabat al-Ghuraba. D'accord. Et on avait cité aussi en titre de ressource le livre de Cheikh Mohammed Abdelwahab al-Wassabi, l'élève de Cheikh Mokbir rahmatullah alayh, qui est toujours vivant au Yémen, donc son élève, Al-Qawl Mufid fi Adilati al-Tawhid. Donc il reprend en détail avec l'Adilla, avec les preuves du Coran et de la Sunna concernant les conditions de la ilaha illallah. Donc ça, c'est parce que c'était pas vraiment le sujet du cours, mais comme le Cheikh les avait cités, on les a pas expliqués, on n'est pas rentré en détail dans les conditions de la ilaha illallah, mais c'était important de le citer. Donc ici, les premières choses importantes parmi les 5 points du hadith, qui était le deuxième hadith qu'on a vu la dernière fois et qu'on revoit de manière très résumée en termes de révision, c'est le fait d'attester que la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Deuxième point important, que Muhammadun abduhu wa rasuluhu. D'accord ? Troisième point important, Cheikh nous dit ici, thalithuha, il nous dit, l'i'tiqadu bi anna Isa alayhi salam, abdun min ibadillahi wa rasulun min rusulih, wa annahu laysa ibn safahin kama yaz'umu al-yahud, wa laysa huwa Allah wa la ibnullah, wa la thalatha kama yaz'umu al-nasara. بل هو عبد من عباد الله أرسله الله إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده. دوك ici on termine d'abord. وقد خلق الله عيسى بكلمة كن الدالة على التكوين وأنه روح من الأرواح التي خلقها الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سورة آل عمران. دوك on avait dit troisième point, la croyance que Isa عليه السلام Jésus est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et un envoyé parmi ses envoyés, donc c'est-à-dire un messager parmi ses messagers, et qu'il n'est pas le fils de la fornication comme le prétendent les juifs, et qu'il n'est pas Allah, et qu'il n'est pas non plus le fils d'Allah, et pas le troisième des trois comme le prétendent les chrétiens, mais qu'il est le serviteur parmi les serviteurs d'Allah, que Allah a envoyé aux fils d'Israël pour les appeler à adorer Allah exclusivement, uniquement. Et Allah a créé Isa, Jésus, d'une parole soit, kun, qui indique le fait de donner existence et qu'il est un esprit parmi les esprits qu'Allah a créé. L'exemple de Isa est comme celui d'Adam qu'il créa de terre, puis il dit soit et il fut. Surat Ali Imran, donc c'est la traduction approximative du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, verset 59, surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset 59. Quatrième point important, rabi'uha anna al-jannata haqq, ay wa'taqada anna al-jannata allati a'addaha Allah lit-ta'i'in min 'ibadihi thabitatun mawjudatun wa haqiqah la rayba fiha wa annaha al-maqr al-akhir al-khali lil-mu'minin bihi wal-muttabi'ina li rusulihi. Donc, Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala nous continue en disant, quatrième point important à retenir de ce hadith-là, parmi les 5 points importants à retenir, c'est que le paradis est une vérité. Comme dans le hadith est rapporté, « وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقْ » C'est-à-dire, aura cru que le paradis qu'Allah a préparé aux obéissants parmi ses serviteurs existe réellement. Sans aucun doute, et quelle est la dernière demeure et éternelle demeure des croyants en Allah et des suiveurs de ses messagers. Donc quatrième point, après l'attention de la ilaha illallah, deuxième point, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, troisième point, que Isa, abduhu wa rasuluhu, wa ruhum minhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, quatrième point ici, anna al-jannata haqqun, c'est-à-dire que le paradis est une vérité. Cinquième point, Cheikh ici nous rapporte, hafidhahullah ta'ala, il nous dit khamisuha anna an-nara haqqun ay wa'taqada anna an-nara allati tawa'ada Allah biha al-kafirin wal-munafiqin haqiqatan thabitatan la rayba fiha a'addaha Allah liman kafara bihi wa jahadahu wa 'asah. D'accord ? هذه الأمور الخمسة من صدق وآمن بها وعمل بما تقتضيه أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا له وله ذنوب وذلك بسبب توحيده وإخلاصه العبادة لله وحده. Donc ici, la cinquième chose et dernière chose à retenir de ce hadith parmi les cinq choses importantes, c'est que l'enfer est une vérité, qu'Allah nous préserve tous de l'enfer. C'est-à-dire, aura cru que l'enfer avec lequel Allah a menacé les mécréants et les hypocrites existe réellement, sans aucun doute. Et qu'Allah l'a préparé pour celui qui a mécru en lui et l'a renié et lui a désobéi. Donc, Cheikh Rabi a conclu ces cinq points en disant « Ces cinq choses, celui qui croit et les rend véridiques et pratique ce qu'elles impliquent, Allah le fera entrer au paradis, même s'il est fautif et a commis des péchés. » Et ce, en raison de son unicité, de son tawhid et de sa sincérité dans son adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, en termes de synthèse, « Ma yustafadu min al-hadith » Cheikh Rabi' nous dit, premier point, « Yustafadu minhu fadilatu tawhidillahi azza wa jal wa anna allaha yukaffiru bihi dhunub » Donc premier point, important, première faïda comme on dit, premier bénéfice à tirer de ce hadith, c'est que les mérites de l'unicité d'Allah, c'est-à-dire al-tawhid, et qu'Allah expie les péchés par ce tawhid. C'est une des raisons pour laquelle on est en train d'apprendre ensemble le tawhid, parce que le livre, je vous rappelle que c'est 21 hadiths dans la croyance, et al-ittiba', c'est-à-dire la croyance et le suivi. Deuxième point, Cheikh ici, donc Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala nous dit, hein, et je vous annonce la bonne nouvelle que Cheikh Rabi', parce que mon frère était dans sa visite à la Mecque il y a quelques jours, et les frères ici de la mosquée Salafia à Birmingham également, Cheikh Rabi' va très bien, hafidhahullah ta'ala, et il a donné beaucoup de conseils aux frères, aux shabab. Alhamdulillah, inchallah, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'on sait qu'il avait des problèmes de santé vis-à-vis de son diabète. Donc, hafidhahullah, hein, il est toujours présent dans la da'wah, il est toujours là, alhamdulillah, en bonne santé. Ils ont d'ailleurs sont rendus avec lui à l'Haram al-Mekki, ils ont prié avec lui là-bas, ils ont une assise avec lui, et ils ont eu beaucoup de conseils de notre cher Rabbi, hafidhahullah ta'ala. Donc, on avait dit, deuxième point, « Si'atu fadlillahi wa rahmatuhu bi'ibadih » Donc ici, qu'est-ce qu'on peut rapporter vis-à-vis en deuxième bénéfice, en deuxième faïda à rapporter ici par rapport à Cheikh Rabi' ici, l'ampleur de la générosité d'Allah et de sa miséricorde envers ses serviteurs. Donc l'ampleur de la générosité d'Allah et de sa miséricorde envers ses serviteurs. Troisième faïda, le faïda thalitha, Cheikh nous dit ici, yustafadu min qawlihi fi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, abduhu wa rasuluh. معرفة ما للأنبياء من الحق وخاصة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا إفراط ولا تفريط. Donc ici, Cheikh nous dit en troisième point, on tire de sa parole Muhammad et son serviteur et messager la connaissance, donc Abduhu wa Rasuluh, la connaissance des droits des prophètes عليهم الصلاة والسلام et plus spécifiquement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je rappelle que quand on entend Muhammad, on doit dire obligatoirement, on doit faire dire sallallahu alayhi wa sallam. Sans exagération ni laxisme. Cinquième point, le fa'idatu al-khamisa, plutôt ici rabi'a je pense, an al-usata min al-muahidina la yukhalladuna fi an-nar. Ça c'est très important, c'est-à-dire que les désobéissants, ceux qui ont commis les péchés, hein, parmi les gens du tawhid, de l'unicité, ne seront pas éternellement en enfer, qu'Allah nous préserve tous de l'enfer. Cinquième point, wujubu al-imani bil jannati wan nar, c'est-à-dire l'obligation de croire en l'enfer et au paradis, et avec cela on aura donc terminé notre révision très succincte, très courte, du hadith qu'on a vu la dernière fois par rapport donc à la remarque de certains frères de me faire remarquer que c'est vrai qu'on avait un petit peu accéléré pour le deuxième hadith, hein, comme j'avais vu qu'il était un peu court et qu'on avait encore un peu le temps avant salat l'Isha, et l'important c'est pas d'avancer vite mais de comprendre et d'avancer comme il faut inshallah. D'accord, donc on avait vu le premier hadith d'Abdullah ibn Abbas, hein. Et c'est des frères qui veulent le réciter par cœur, ils sont les bienvenus. Hein. Peut-être pour les motiver, je peux peut-être le faire d'abord. Hein. Le premier hadith, c'était de Abdullah ibn Abbas, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معادا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتقي دعوة المظلوم وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. Donc, pour vous motiver, je l'ai fait également de mémoire. Donc, si les frères veulent, inshallah, faut pas avoir peur. Je vous rappelle que Cheikh Mokbel rahmatullah alayh faisait lever les gens hein, devant 2000, 3000 personnes. Il disait Antagom, hein, il disait toi, lève-toi, et il demandait à tout le monde. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah, c'est une motivation pour mémoriser le hadith. Je sais que certains frères l'ont fait, donc qui n'aient pas peur de. Hein, Tafaddalou. Tafaddal, Mashallah. Le premier, tu le connais aussi, Abdel Ibn Abbas. Vas-y, Tafaddal. Commence le premier, comme ça ensuite Tassalsoul. C'était la deuxième version qu'on avait rapportée, c'était que من شهد أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أي c'est-à-dire qui hein, on avait expliqué c'était le fait d'adorer Allah Azza wa Jal uniquement. Barakallahu fik pour ce point que tu as rapporté. Vas-y, continue. C'est juste. Mashallah, barakallahu fik. Donc ici, le frère a rapporté un point que j'ai oublié, c'était la deuxième version, c'est Ila ayyi wahidu Allah. D'accord ? Donc qui veut se lancer aussi ? Cela, c'est une motivation pour mémoriser le hadith. Je vous rappelle la grande préscience de la mémorisation du hadith, hein, et que c'est un grand fadl de porter le hadith, hein, comme il disait, de l'avoir dans sa poitrine plutôt que de l'avoir dans les livres, d'abd sadr, comme on l'appelle. Hein, et on vous rappelle la parole du prophète sallallahu pour vous motiver. Nadar Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Allah azza wa jalla la beauté comme le dit Cheikh Mokbel, yani nadar Allah ay ja'alahu dha nadaratin, c'est-à-dire qu'Allah a mis la beauté sur le visage de quelqu'un qui justement sami'a maqalati, qui a entendu ma parole, fa wa'aha fa addaha kama sami'aha, et ensuite l'a rapporté comme elle est comme il l'a entendu. D'accord, donc c'est important de la riwa du hadith, hein. Et personne veut se lancer pour le suivant, pour le premier en tout cas, non ? Personne ? Le deuxième qui veut se lancer ? Abadat ibn Samit ? Tafaddal. ورسوله نعم وكلمته ألقاها مريم إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من Qui veut se lancer ? Personne d'autre ? Troisième hadith, on se lance aujourd'hui ensemble, Inch'Allah. Donc ici, troisième hadith. Al-hadith al-thalith, haqqullahi ala al-ibad. Inch'Allah, on va essayer tous de se motiver les uns les autres, Inch'Allah, à étudier le hadith. pour ceux qui ne l'ont pas, qui les connaissent pas encore, Inch'Allah, ce n'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. On n'en a fait que deux, on rentre dans le troisième aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui prennent l'avance, ils peuvent terminer le livre s'ils veulent, Inch'Allah, dans la mémorisation. Hein. Je vois des sourires. عن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله رسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا الحديث أخرجه البخاري ومسلم الترمذي وابن ماجه وأحمد. Donc le troisième hadith, hein, parmi les 21 hadiths dans la Khamsa al-Tiba' que Cheikh Rabi' nous rapporte ici et nous explique, c'est d'après Mu'adh ibn Jabal. Radiallahu anhu, il dit, j'étais monté en croupe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, sur un âne, lorsqu'il me dit, donc il était monté en croupe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne, lorsqu'il me dit, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Je répondis, Allah et son envoyé sont plus savants. Il dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtiera point celui qui ne lui associe rien. Je dis, ô messager d'Allah, puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il dit, ne leur annonce point la bonne nouvelle de peur qu'ils ne comptent que là-dessus. Donc le hadith est rapporté par al-Bukhari, donc Rawah al-Bukhari, akhraj al-Bukhari fi Sahih Kitab al-Libas, chapitre du vêtement. Wa Muslim fi Sahih kadhalik, qu'on a dit chaque fois qu'on dit Bukhari, évidemment c'est Sahih. Quand on dit Muslim, c'est Sahih. Hein, quand on précise pas, c'est directement Sahih. Et Muslim, chapitre de la foi, Kitab al-Iman. Wa al-Tirmidhi kadhalik, al-Tirmidhi. Donc dans Sunan, chapitre de la foi, Kitab al-Iman, wa Ibn Majah, fils Sunan également, Kitab al-Zuhd, chapitre de, on peut traduire ça par l'ascétisme, et Ahmed dans son Musnad. J'ai pas cité le deuxième, hein, c'est pas que je me suis défilé, mais c'est pour gagner du temps. Hein. Si on a le temps, je le ferai après, Inch'Allah. Cheikh, selon sa méthodologie, toujours, donc, il nous donne le hadith, takhrij le hadith, et maintenant on fait une biographie du hadith, c'est-à-dire rawi al hadith, qui est ce rapporteur du hadith, c'est Mu'adh ibn Jabal. Huwa Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws al-Ansari al-Khazraji, Abu Abdirrahman, sahabi mashhur min a'yan al-sahabati, shahida Badra wa ma ba'daha, wa kana ilayhi al-muntaha fi al-'ilmi wal-ahkam wal-Qur'an. مات سنة 18 بالشام في الطاعون في طاعون عمواس. Donc ici, Cheikh nous dit une biographie très succincte de Mu'adh ibn Jabal. Qui est Mu'adh ibn Jabal, donc le rapporteur de ce hadith, du troisième hadith qu'on est en train d'étudier ensemble ici. Donc Mu'adh ibn Jabal, Mu'adh ibn Jabal, le fils de Amru, le fils de Aws, Al-Ansari, Al-Khazraji. Donc Al-Ansari, Al-Khazraji. Et sa kunya, Abu Abdurrahman, ce qu'on appelle la kunya, c'est Abu Abdurrahman. C'est un compagnon très connu, mashhour. Sahabi al-Mashhur min A'yan al-Sahaba, Shahida Badra wa ma ba'daha. Donc il a assisté à la bataille de Badr et ce qui a suivi. Wa kana ilayhi al-muntaha fi al-'ilmi wal-ahkami wal-Qur'an. C'était donc on revenait à lui, c'était donc un marji', ce qu'on appelle un marji', c'était une référence dans la science, les jugements et le Coran. Il décéda en l'an 18 de l'Égypte au pays du Cham, hein, et la cause de sa mort, de son décès, fut donc Ta'un, hein, c'est une sorte d'épidémie, si vous voulez, Ta'un Amwas, une épidémie, Ta'un. La date est en l'an 18. Selon la méthodologie, encore une fois, de Cheikh Rabi'i ici, on rapporte maintenant dans quoi les tafsir al-mufradat. Ce qu'on appelle mufradat al-hadith, c'est le jargon du vocabulaire utilisé dans le hadith, on le définit ensemble ici. Radifa, donc ici dit, parce que dans le hadith il dit, Kuntu radifa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc radifa, ay raakiban khalfahu. C'est quoi le fait de dire radifa? C'est-à-dire monter en croupe, c'est-à-dire qu'il est monté sur l'âne à l'arrière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. حق الله على العباد هو ما يستحقه عليه من العبادة والطاعة. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est le droit d'obéissance et d'adoration qui lui revient subhanahu wa ta'ala sur eux. Donc d'accord, donc le droit d'obéissance et d'adoration qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, sur eux. حق العباد على الله هو استحقاق إنعام وفضل هو جعل ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين وليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة. Donc ici Cheikh rapporte un point très très important dans l'aqida et je vous conseille de le retenir inshallah, c'est le droit des serviteurs sur Allah. Qu'est-ce qu'on attend par avoir un droit sur Allah? Vous êtes sûrement déjà posé la question. Bien, ce droit est un bienfait et une faveur qu'il s'est imposé à lui-même par générosité et excellence. Donc Allah Azza wa Jal s'est imposé à lui-même par générosité et excellence, comme il a dit ici, Cheikh, tafaddulan wa ihsana, envers ceux qui sont sur le tawhid, l'unicité, et sincères. Et ce n'est aucunement un droit rendu obligatoire par la logique, comme le prétend la secte des Mu'tazila, wal'iyadu billah. Hein? Donc quand vous entendez le droit d'Allah sur le droit des serviteurs sur Allah, directement vous devez savoir que c'est un bienfait, une faveur qu'Allah s'est imposé. Donc c'est un droit et un bienfait et une faveur qu'Allah s'est imposé à lui-même par générosité et excellence envers donc ses serviteurs qui sont sur l'unicité et sincères. أفلا أبشر الناس؟ La question de Mu'ad ibn Jabal, hein? Lorsqu'il lui a dit le hadith, il a dit أفلا أبشر الناس? C'est une question. Qu'est-ce que Cheikh nous dit ici? أخبرهم بما يسرهم. Est-ce que je ne vais pas leur annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire les informer de ce qui va les réjouir, hein? Et on va ensuite voir dans l'explication du hadith pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم lui a interdit. Ensuite, يتكلوا. Il dit la tubashirum fa yattakilu. Qu'est-ce que veut dire yattakilu? Ay ya'tamidu. Ya'tamidu. C'est-à-dire qu'il ne compte que sur cela. Alors maintenant, le sens général du hadith, le ma'na al-ijmali. Bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith al-ghayata allati khalaqa Allahu al-khalqa min ajliha. Ala wa hiya ifradu Allah wahdahu bil-ibadati wal-ikhlas lahu. فإن هذا الحق العظيم ليس إلا لله الخالق العظيم المنعم المتفضل. كما بين الرسول الكريم ما يستحق العباد على الله من الجزاء إنهم قاموا بهذا الواجب العظيم إخلاص العبادة أن ينجيهم من عذاب النار ويدخلهم جنات النعيم. وهذا ما يسر به المؤمن ويستبشر به. لذا قال معاذ أي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس. Donc ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en évidence dans ce hadith le but pour lequel Allah a créé la création. Et ce but est le fait de vouer une adoration exclusive à Allah et d'être sincère envers lui, subhanahu wa ta'ala. Et ce droit immense n'appartient qu'à Allah, le créateur, le généreux, celui qui accorde les bienfaits. De même, il nous a montré dans ce hadith ce que les serviteurs ont comme droit de récompense envers Allah. S'il s'acquitte, s'il s'acquitte de cette immense obligation qui est le fait de vouer une adoration sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette récompense est qu'il les sauve du châtiment du feu et qu'il les fasse entrer dans les jardins du paradis. Et ceci réjouit le croyant et le fait espérer, et c'est pour cela que Mu'adh radiallahu anhu ardah a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, quelle est la réaction ici maintenant du prophète, du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam? Walakin al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, naha mu'adhan an dhalika li maslahati ummatihi wa hubban minhu an يجد في العمل وفيما يقربه من الله ويتنافس فيه لينالوا بهذا الجد والجهاد والتنافس والدرجات العالية عند الله. وعلى العكس من ذلك دوك جو ريبيت ما فراز لينالوا بهذا الجد والجهاد والتنافس الدرجات العالية عند الله. وعلى العكس من ذلك لو تقاعسوا عن العمل واتكلوا على مثل هذا الوعد فإنهم سوف يفوتهم خير كثير وأجر كبير. Donc ici, le cheikh termine en disant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est la réaction par rapport à la question de qui de Mu'ad ibn Jabal, qui lui dit Afala ubashirun nas, ne leur annoncerai-je pas la bonne nouvelle pour les réjouir? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit à Mu'ad de le faire. Pourquoi? Pour le bien de sa communauté et par amour pour eux. Hein? Et pour qu'ils se surpassent dans les actions et dans ce qui les rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils se fassent la compétition dans les bonnes actions, pour qu'ils arrivent par cet effort et ce combat et cette compétition au plus haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par opposition, s'ils s'abstenaient de faire des bonnes actions et comptaient uniquement sur cette promesse, ils manqueraient beaucoup de bien et une grande récompense. Donc là on voit la hikmah, la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Mu'ad ibn Jabal d'annoncer la bonne nouvelle. D'accord? De toute façon, ça va être détaillé par Cheikh Rabi Hafidahullah. Donc, on a fini maintenant le sens général du hadith. On rentre maintenant dans les points, hein, de manière synthétique. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on peut tirer du hadith? Et on avait dit que, dans l'introduction, Cheikh Rabi Hafidahullah a fait ce livre-là justement pour former les étudiants à tirer des thèses des hadiths, hein, et à améliorer leur langue arabe. Donc, on est censé pouvoir, Inch'Allah, pouvoir tirer de ce hadith-là beaucoup de fawaïd. Hein. On va le faire ensemble, Inch'Allah. On va lire ce que dit Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala. Donc le fa'idatu al-oula ma yustafadu min al-hadith al-hikmatu aw hikmatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi at-ta'lim haythu iftataha hadha at-ta'lima bis-su'ali li yakuna awqa'a fi an-nafs wa ablagha fi fahm al-muta'allim. Donc Cheikh ici nous dit la sagesse de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement, car il a annoncé cet enseignement en amorcé cet enseignement en posant une question. Donc il a commencé cet enseignement en posant une question. Et c'est une très très bonne méthodologie. Et ça vient souvent dans la sunna, hein. Le prophète lui pose une question. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on fait souvent dans notre cours ici, ensemble. C'est un outil pédagogique. Qu'est-ce qui se passe quand chaque fois je pose une question? Bien évidemment, ça attire l'attention de tout le monde. Hein? D'accord? Donc il a amorcé cet enseignement en posant une question pour que l'enseignement s'ancre dans l'esprit et soit plus explicite à la compréhension de l'élève, d'accord? Donc ça c'est donc le premier point à tirer du hadith. Al-fa'idatu thaniya, deuxième point, fihi tawadu'u rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa husnu akhlaqihi haythu yarkabu al-himar wa yardifu ashabahu ala markubihi. La modestie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son bon comportement dans le fait de chevaucher un âne et de prendre en croupe ses compagnons sur sa monture. La première, c'était la sagesse dans sa méthodologie, dans sa pédagogie. Deuxième, c'est sa modestie par le fait et son bon comportement dans le fait de monter sur un âne et de faire monter en croupe derrière lui ses compagnons. الثالثة وفيه بيان أعظم حقوق الله على عباده ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده. D'accord. Troisième point, la mise en évidence du plus important des droits d'Allah sur ses serviteurs, et c'est de lui vouer une adoration exclusive, de l'adorer lui subhanahu wa ta'ala uniquement. Donc je ne sais pas si les gens sur Paltalk peuvent confirmer qu'ils ont du son, et surtout que ma voix, comme je dis que j'étais un peu malade, que ma voix est peut-être un peu plus faible que d'habitude, et que je m'éloigne de temps en temps du micro. Donc s'ils peuvent le confirmer aux frères qui s'occupent de la technique, Inch'Allah, s'ils ont toujours du son. وَفِيهِ Donc quatrième point. تَفَضُّلُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ بِأَحْسَنِ الْجِزَاءِ عَلَى أَدَاءِ هَذَا الْحَقِّ. Donc la mise en évidence rapproche du quatrième point. La grâce d'Allah, afwan, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses serviteurs en leur accordant la meilleure des récompenses pour ceux qui s'acquittent de ce droit. Donc premier, c'était la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa pédagogie. Deuxième, c'était sa modestie. Troisième, c'était la mise en évidence du droit le plus important, c'est le tawhid. Et quatrième, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs en leur accordant la meilleure des récompenses pour ceux qui s'acquittent de ce droit. Hein? Cinquième point, al-fa'idatul khamisa, wa fihi istihbabu bisharatil muslimi bima yasurruhu. C'est-à-dire le fait d'annoncer, ou c'est le fait que c'est recommandé, le fait d'annoncer aux musulmans ce qui le réjouit est recommandé. C'est une sunna. Hein? Donc le fait d'annoncer aux musulmans ce qui le réjouit est recommandé. C'est ce que j'ai fait quand je vous ai dit que Cheikh Rabi était en bonne santé et que, alhamdoulilah, et que les frères ont pu le rencontrer et ont pu prendre des fawaïd de lui, des conseils et poser des questions. Sixième point, le fa'idatu sadisa, wa fihi الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله فإن هذا الاتكال يضر كثيرا من الجهال. D'accord. Sixième point, la crainte de ne compter que sur l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cette confiance car cette confiance nuit à beaucoup d'ignorants. Donc vous voyez, maintenant vous comprenez bien la hikma, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a interdit à Mu'ad d'annoncer la bonne nouvelle, de peur que les gens se suffisent de cette promesse et ne fassent pas ni plus d'efforts dans l'adoration, d'accord, et qui via cela puissent atteindre les hauts degrés. Avec cela, non, je répète le point. Donc, sixième point. Je ne sais pas si le frère parle, un verre d'eau. La crainte de ne compter que sur l'immensité de la miséricorde d'Allah, car cette confiance nuit à beaucoup d'ignorants. Donc je répète, la crainte de ne compter que sur l'immensité de la miséricorde d'Allah, car cette confiance nuit à beaucoup d'ignorants. D'accord ? C'est clair ? Bon, avec cela, on a terminé le troisième hadith. J'ai fini. On a le temps peut-être de rentrer dans le quatrième hadith, inshallah. Je sais qu'il y a certaines sœurs qui, certains frères qui ont dit que c'était un peu long pour eux. Je ne sais pas si vous trouvez ça long ou pas, sinon. Je sais pas. Je pense qu'on aura le temps parce qu'il est assez court également. Ouais. Il y a juste que dans le quatrième hadith, comme il parle de tabarruk, j'ai ramené aujourd'hui Sharh Kitab Tawhid Cheikh Najmi pour qu'on lise un passage sur Tabarouk où il définit c'est quoi le Tabarouk, parce que c'est une notion qu'on entend beaucoup et qui serait intéressant, comme vous avez dit toujours, d'étudier les définitions, hein. C'est quoi l'istighatha, talabul ghawth wa huwa izalatu shiddah, c'est quoi l'isti'ana, talabul aoun, c'est quoi, hein, toujours l'ibada, c'est quoi ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah yardah min al-a'mal wal aqwal adh-dhahira wal batinah, toujours étudier les définitions par cœur comme ça pour qu'on construise notre science sur le Tawhid sur, hein, des définitions des mashayikh et qu'on prenne ces définitions avec les hadiths shar'iyya, d'accord. Donc ici, quatrième hadith, on rentre donc dans le hadith, quatrième hadith, c'est le hadith al-rabi' tahrimu tabarruki bil-ashjari wa nahwiha. Donc c'est le fait, l'interdiction de chercher la bénédiction auprès des arbres et de ce qui est assimilé à cela, d'accord, ou de toute autre chose, d'accord. On va définir, inchallah, ensemble, ne vous inquiétez pas, Tabarruk. Et alors là, on sort un peu du livre de Cheikh Rabi' et on rentre ensemble dans Sharh Kitab al-Tawhid de Cheikh Ahmed Ben Yahya al-Najmi, rahimahullahu ta'ala. Et je sais que, je suppose que vous êtes tous au courant, on a tous annoncé la triste nouvelle de son décès cet été. Rahmatullah alayh. Et, comme ça, Cheikh Ahmed Najmi, ancien mufti du sud de l'Arabie Saoudite et cheikh de Cheikh Rabi', donc il faisait partie des enseignants, des professeurs de Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala. Et donc Cheikh Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah lui fasse rentrer le firdaus al-a'la, nous explique le terme at-tabarruk dans son explication de Kitab al-Tawhid, d'accord. Qu'est-ce que le tabarruk? Le fait de chercher la bénédiction auprès de quelqu'un ou de quelque chose. Il nous en donne donc une définition de ce terme dans son explication du même hadith qu'on va voir ici, c'est-à-dire hadith Abi Waqid al-Layfi, hein, dans Kitab al-Tawhid. Car ce hadith-là, qu'on va voir le quatrième hadith, se retrouve où? Dans Kitab al-Tawhid, na'am. D'accord. Donc, pourquoi je vous dis ça? Comme j'avais dit pour l'autre, hadith Ubadah ibn al-Samit, qui est aussi dans Kitab al-Tawhid, vous pouvez revenir au Sharh de Sheikh al-Uthaymeen, Sharh de Sheikh Fawzan, dans Fath al-Majid, dans Tajsi al-Aziz al-Hamid, hein, dans Qurat al-Uyu al-Muwahidin, tous les shurouhs de Kitab al-Tawhid, Sharh de Sheikh Salih al-Sheikh, hein, tous les shurouhs que vous connaissez. Donc, ça fait des sources en plus pour nous pour voir et chaque Sheikh qu'est-ce qu'il a rapporté comme fawaïd sur ce hadith. Donc, Sheikh Najmi, et l'édition que je cite ici, c'est Maktabat al-Asala, c'est celle que j'ai ici avec moi, page 71-71, hein. Maktabat al-Asala, d'accord. Il dit At-tabarruku huwa iltimasu al-barakati min ash-shay. Faman tabarraka bi shay'in kana ala hadd za'mihi anna dhalika ash-shay fihi barakah. Wal-barakatu hiya mukatharatu ash-shay wa ja'luhu kathiran أكثر من العادة وكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء فيه بركة أمر مرفوض وغير مقبول إلا أن يكون هذا العلم وارد من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. Donc ici Cheikh Najmi nous explique à Tabarruk, nous dit c'est le fait de rechercher la baraka auprès de quelque chose. Donc la baraka. Il va définir après ce que la baraka. Celui qui cherche la baraka auprès de quelque chose sera tenu à la limite de ce qu'il a prétendu dans, que dans cette chose, yani, il y a de la baraka. Vous allez comprendre plus clairement tout de suite. La baraka, qu'est-ce que la baraka? C'est le fait de rendre quelque chose plus nombreux, mukataratu shay, et de le rendre, de rendre donc cette chose plus qu'elle n'est d'habitude. Hein? Et là, vous allez comprendre ce que j'ai dit par le fait que quelqu'un prétende que dans quelque chose il y a la baraka. Il faut un dalil, c'est ce que justement dit le cheikh ici. Et le fait que l'individu sache que dans telle chose, hein, il y a de la baraka est une chose rejetée et non acceptée, sauf, exception, sauf si cette prétention est basée sur une science venant d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mangez des côtés du plat et ne mangez pas de son milieu, car la baraka descend sur son milieu. Donc, ici, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, mangez des côtés du plat et ne mangez pas de son milieu, car la baraka descend sur son milieu. Donc, cette version du hadith, le hadith dans cette version-là, dans son lafd-là, est rapporté par Ahmed dans son musnad. D'accord ? Et ce hadith a également rapporté par At-Tirmidhi. Notez-le, c'est toujours bon d'avoir plus de science dans le hadith. Rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud et Ibn Majah. Moi, je leur aurais plutôt dit dans l'ordre, Abu Daoud, At-Tirmidhi ou Ibn Majah. Ou At-Darimi et a été authentifié par notre noble Cheikh Nasser Sunabi Haq, rahmatullah alayh, l'imam, l'allama Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc Allah lui fasse miséricorde dans Sahih Al-Jami' d'après Abdullah ibn Abbas. Et Cheikh ici nous explique le hadith. D'accord. Cheikh dit wa ma'na dhalika anna al-barakata tanzilu fiha fa yakthuru at-ta'am aw al-ma' wa dhalika idha samma 'alayhi wa qad kana takthiru at-ta'ami fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amran mahsusan ka'inaq Jabir. Et ensuite, il donne un exemple dans la sunna qu'on va citer, inshallah. Et le sens du hadith nous dit ici que, donc, Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, dit que la baraka descend dans le plat et multiplie la nourriture, ou l'eau, al-ma, il a cité le mot al-ma. Et ceci seulement s'il dit bismillah, c'est-à-dire, Cheikh a dit ici, idha samma alayh. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le fait de dire bismillah avant de manger, d'accord? Et la multiplication d'une nourriture, le fait de le rendre nombreux, plus nombreux que d'habitude, ou un plat, était quelque chose d'existant, de physique, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh, à titre d'exemple, cite le repas préparé par Jabir. Vous connaissez certainement l'histoire dans la bataille de du fossé. D'accord ? La bataille du fossé dont a pu en profiter entre, écoutez bien, entre 1400 et 1500 personnes. Vous voyez que la baraka, là, il y avait certes la baraka, d'accord, à tel point que entre 1400 et 1500 personnes. Et c'est ce que dit le cheikh ici. وكانوا ما بين 1400 عفوا ما بين 1400 و1500 فأكلوا جميعا. Et ils ont tous mangé. Donc là, il y avait certes de la baraka. Le cheikh conclut en disant une chose très très importante. C'est, regardez, les cheikhs nous donnent des points très importants. Ici, il dit المهم أن التبرك لا يجوز ولا يتصور إلا استثناء en arabe hein, sauf إلا بخبر من الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. C'est-à-dire que la multiplication, donc Cheikh conclut en disant que le tabarruk, on a défini c'était quoi le tabarruk, hein, le fait de chercher la baraka auprès d'une chose, n'est permis et ne peut être connu que par une information venant d'Allah, par l'intermédiaire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire avec un dalil. Tu ne peux pas prétendre que dans une chercher de la baraka, sauf avec un dalil, un texte. D'accord ? Et le Cheikh a cité un exemple, il a cité un texte. Et on a fini pour la définition du tabarouk. Ça, c'était juste parce que le Cheikh le citait le mot tabarouk dans le titre. Hein, le hadith al-Rabi', il a dit تحريم تبرك بالأشجار ونحوها. Donc je pensais que c'était un peu important de définir la notion de tabarouk, d'accord. Et donc Cheikh continue en disant عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون سورة الأعراف لا تركبن سنن من كان قبلكم والحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم الطبراني بنحوه. Donc Cheikh, quel est le sens général du hadith ici, ou plutôt la traduction approximative du hadith ici, d'après Abu Waqid al-Layfi. Alors, un frère nous avait posé une bonne question dans la grammaire arabe, il nous avait dit pourquoi dans l'arabe j'avais dit an abi, hein, et en français j'ai dit abu. Ben, parce que dans la langue arabe, quand vous avez un harf al-jar comme an et que vous avez abu après qui mène asma al-khamsa, et bien le signe du jar c'est al-ya niyabatan al kasra parce qu'il mène asma al-khamsa. D'accord, c'est une règle de grammaire tout simplement pour résumer. Abu Waqid al-Layfi, c'est son nom. An Abi Waqid al-Layfi. Hadithu Abi Waqid al-Layfi. On est obligé de faire cette dérivation. Hein, j'aime pas traduire ça en français parce que les orientalistes traduisent ça par le génitif. Hein, le jar. C'est la méthode orientaliste que j'aime pas du tout. Donc retenez tout simplement que c'est une déclinaison, si vous voulez, du mot due à une règle grammaticale. D'accord. Ici donc, Cheikh nous dit, d'après Abu Waqid al-Layfi, qu'Allah l'agré, il dit, nous étions sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn. Alors que nous avions quitté la mécréance depuis peu, c'est-à-dire qu'ils étaient convertis depuis peu, ils étaient fraîchement convertis. Les associateurs, les polythéistes avaient un cèdre, c'est un arbre, hein, qu'ils appelaient Dhatu Anwat. Ils lui donnaient le nom de Dhatu Anwat, auprès duquel ils avaient l'habitude de faire halte et d'y accrocher leurs armes. Nous passâmes donc près d'un cèdre et nous demandîmes à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous un Dhatu Anwat comme ils ont un Dhatu Anwat. Regardez la réaction du prophète, de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ce sont certes des traditions, innaha sunan. J'ai traduit ça vraiment de manière très littérale, mais c'est une expression arabe qui rapporte l'étonnement. Innaha sunan, il dit, ce sont certes des traditions. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous avez dit comme les fils d'Israël ont dit à Moïse. Moussa alayhi salam. Traduction approximative du verset, surat al-Araf. Désigne-nous une divinité qu'on adore, semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes un peuple ignorant. Surat al-Araf. Verset 138. D'accord ? Donc ça, c'était pour la traduction du hadith. Le hadith est rapporté par Ahmed dans son Musnad, par At-Tirmidhi dans Sunan, et où dans quel chapitre dans Sunan, Kitab al-Fitan, chapitre des épreuves. Et pour ceux qui seront peut-être intéressés de savoir d'où vient le mot fitna en arabe, vous n'êtes jamais posé la question, d'où vient le mot fitna? Je crois que je l'ai rapporté à quelques-uns d'entre vous plusieurs fois. Mohamed Amin al-Shinqiti, dans son tafsir Adwa al-Bayan, nous rapporte que al-fitna vient du mot, de la notion arabe, dans la langue arabe, le mot fitna vient du fait de placer un métal, de l'or, dans du feu pour que le pur se dissocie de l'impur. Donc ça c'est le mot fitna, d'où vient le mot fitna dans la langue. Je vous le rapporte tant que j'y pense, hein, et vous comprenez directement après qu'est-ce que veut dire le mot fitna. Hein. Si je ne me trompe pas, il l'a rapporté dans Tafsir Surat Al-Ankabut, le premier verset. Alif lam mim, ahasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladhina min qablihim, fali'amana Allahu alladhina sadaqu wa li'lamanna al-kadhibin. Je pense que vous allez le trouver à Surat Al-Ankabut au début, inshallah. Vérifiez. Donc dans Adwa al-Bayan, hein, le fameux Tafsir de Shinqiti rahmatullah alayh. Donc on a fait on a rapporté donc le hadith, on a dit qu'il était rapporté dans le Musnad l'Imam Ahmed, dans Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Fitan, wa-sahahahu, c'est-à-dire que l'Imam Tirmidhi l'a authentifié, l'a rendu authentique, et Abd al-Razzaq. Quand on dit Abd al-Razzaq, c'est dans son Musannaf. Et également par Ibn Jarir. D'accord? Et également par Ibn al-Mundhir. Retenez cela, c'est des noms de grands imams de la Sunna. Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim. Et At-Tabarani. At-Tabarani dans une version similaire de celle qui est rapportée ici. C'est ça qui veut dire le cheikh ici. Donc ici, il fait ensuite la biographie du Sahabi. À quelle heure est l'Isha aujourd'hui? 10h15. راوي الحديث هو أبو واقد الليثي نسبة إلى ليث بن عبد مناف قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن عوف خرج له الجماعة وله في الصحيحين حديثان قيل إنه شهد بدرا وقيل من مسلمة الفتح مات سنة 68 وهو ابن 85 سنة. Donc, biographie succincte du noble sahabi qui rapportait le hadith, qui s'appelle Abu Waqid al-Layfi. Abu Waqid al-Layfi. Vous comprenez directement que ce n'est pas son nom, c'est ça? Kunya, comme moi, mon prénom c'est Mehdi, je suis Abu Abdirrahman, d'accord? Donc, ici, hein, Abu Waqid al-Layfi. C'est pour bien, parce que c'est important dans la sunna, et si on fait un dars dans Mustalah al-Hadith, vous allez voir que c'est important, parce que c'est comme Abu Bakr al-Siddiq, Abu Huraira, est-ce que vous connaissez leur nom? Hein? Abu Huraira, c'est qui? C'est quoi son nom? Hein? Sûr? Sans divergence? Non, c'est juste pour vous dire que des fois on dit des noms, tu vois, on croit que c'est des noms, mais en fait c'est des kunyas. D'accord? Donc ici c'est une kunya, Abu Waqid al-Layfi. Abu Waqid al-Layfi. En rapport avec qui? Avec Layth ibn Abdi Manaf. Layth ibn Abdi Manaf. Layth, le fils de Abd Manaf. Il a été rapporté que son nom est Al-Harith ibn Malik. Donc vous voyez ici, vous allez voir qu'il était rapporté plusieurs choses. Al-Harith ibn Malik. Donc maintenant vous savez sa kunya, Abu Waqid al-Layfi, et vous connaissez son nom. Al-Harith ibn Malik. Et aussi il a été rapporté Ibn Auf. Donc, il a été rapporté Ibn Malik, il a été rapporté Ibn Auf. Ces hadiths ont été rapportés par ce qu'on appelle Al-Jama'a dans le hadith. Et il a dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Il a donc dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, deux hadiths. Abu Waqid Laythi a deux hadiths dans les deux authentiques, le Bukhari. Donc il a deux hadiths muttafaq alayhi, ce qu'on appelle deux hadiths, hein, hadithan muttafaqani alayhi. Il a été rapporté qu'il participa à la bataille de Badr, na'am. Et on a dit également qu'il faisait partie des convertis de la conquête de la Mecque. Décédé en l'an 68 de l'Hégire, à l'âge de 85 ans. Radiallahu anhu wa arda. Afwan, il est mort en 68 de l'Hégire et à l'âge de 85 ans. 68, naam, 68. Ensuite, Cheikh Rabia Hafdahullah nous explique les mots de vocabulaire du hadith. Hunayn, qu'est-ce que veut dire Hunayn? Mawdi'un qaribun min Mecca, naam. Hunayn, c'est une localité proche de la Mecque. حدثاء عهد بكفر كما لدينا الحديث ونحن حدثاء عهد بكفر c'est-à-dire أي قريب عهدهم بالكفر hein? Fraîchement sorti de la mécréance, c'est-à-dire qu'ils étaient encore mécréants peu avant cela, c'est-à-dire qu'ils étaient convertis depuis peu. C'est important pour comprendre le hadith, ce point-là. Cédra, c'est un cèdre, qui est un genre d'arbre. Cheikh nous dit ici, sidratun no'un mina shajar. No'un mina shajar. C'est-à-dire un genre d'arbre. Ya'koufouna indaha. Al-ukoufou huwa al-iqamatu ala shay fi makanihi. C'est toutes les définitions à retenir par cœur ça. Al-ukoufou, ya'koufoun, c'est quoi l'ukouf? Al-iqamatu ala shay fi makanihi. C'est-à-dire. C'est quoi le ukuf? Ya'kufuna 'indaha, ils y faisaient halte. C'est-à-dire qu'ils stationnaient sur la chose à son endroit. Hein? Ça, c'est au niveau linguistique. Yanutun yu'alliquna biha aslihatahum tabarrukan. Yanutuna, c'est-à-dire qu'ils y accrochaient leurs armes en cherchant là. Donc on a dit tabarruk. Tabarruk, c'était la recherche de. La baraka, qui est la bénédiction, on peut traduire ça comme ça. Vous pouvez laisser ça comme recherche de la baraka. As-sunan, comme il a dit, inha sunan, c'est at-turqu wal manahij. At-turqu wal manahij. As-sunan, c'est les voies. Al-ma'na al-ijmali, sens général du hadith. C'est-à-dire une explication du sens général du hadith. كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من دخل في الإسلام جديدا لم ترسخ قدمه في الإسلام ولم يتمكن من فهم الدعوة الإسلامية وفهم عقائدها ومبادئها لقرب عهده بالجاهلية والشرك. فمروا على قوم من المشركين يعكفون حول شجرة تبركا بها وتعظيما لها. فما أن رآهم هؤلاء المسلمون الجدد يفعلون هذا حتى طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم تبركا بها لا عبادة لها. Ça c'est un point important qu'on va traduire ensemble. تبركا بها لا عبادة لها. ظنا منهم أن الإسلام يسمح بهذا النوع من التبرك وأنهم بمثله يحرزون النصر على أعدائهم. أدهش رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلب الغريب العجيب فقال كلمته العظيمة التي ينبغي أن تكون درسا لأمته إلى يوم القيامة. الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ما أحرى المسلمين بأن يعوا هذا الدرس وما أحرى العلماء بالأخص أن يصرخوا بهذه الكلمة القوية مدوية في وجه العوام وأشباههم الذين يتبركون بالأحياء والأموات والأشجار والأحجار ظنا منهم أن هذا من الإسلام ويزين لهم ذلك من لا يخشى الله ولا يرجو الله واليوم الآخر من عباد المال والجاه ويستغلوا عواطف الجهال والسذج فيثبتهم على الباطل ويدفعهم إلى محاربة الحق والتوحيد، فيثبتهم على الباطل ويدفعهم إلى محاربة الحق والتوحيد. دونك شيخ ربيع ici nous dit le sens général du hadith se trouvait dans l'armée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition de Hunayn, des gens qui venaient d'entrer en islam et dont les pieds n'étaient pas encore bien enracinés dans l'islam et n'avaient pas encore pu comprendre la prêche de l'islam et ses croyances et ses principes fondamentaux de manière correcte, car ils n'étaient sortis de la jahiliya et du polythéisme que depuis peu. Ils passèrent donc près d'un peuple d'associateurs qui était stationné autour d'un arbre, de l'arbre, en y cherchant la bénédiction et en le sublimant, ta'zim, qu'on appelle ta'zim. Ces nouveaux musulmans les virent faire cela et demandèrent alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre pour y accrocher leurs armes en cherchant la bénédiction de l'arbre, mais pas pour l'adorer. Donc c'est important, ils ont demandé ça pour chercher bénédiction, pas pour adorer l'arbre, car ils pensaient que l'islam permettait ce genre de recherche de bénédiction, et qu'avec cette bénédiction ils s'assuraient la victoire contre leurs ennemis. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était important de comprendre qu'ils étaient fraîchement convertis à l'islam, justement comme dit Cheikh ici, leur pied n'était pas bien enraciné dans l'islam, cette notion là n'était pas encore connue par eux, d'accord. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut stupéfait par cette demande étrange et étonnante et dit sa fameuse parole qui doit être considérée comme une leçon pour sa communauté. C'est qui sa communauté? Ça nous concerne à nous aussi évidemment, jusqu'au jour du jugement dernier. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Vous avez dit par celui qui détient mon âme, donc Allah jure par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah, donc vous avez dit que par celui qui détient mon âme entre ses mains, comme a dit les fils d'Israël, comme on dit les fils d'Israël à Moïse, à Moussa, désignez-nous une divinité qu'on adore, alaykoum salam, qu'on adore semblable à leur divinité, à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes un peuple ignorant. Qui a-t-il, et ça c'est Cheikh Rabi'a, donc il continue en disant, qu'y a-t-il de plus approprié aux musulmans que de comprendre cette leçon, et qu'y a-t-il de plus approprié, plus particulièrement aux savants, que de crier cette parole retentissante à la face du commun des mortels et leurs semblables qui cherchent la bénédiction auprès des vivants et des morts et des arbres et des pierres en pensant que cela est l'islam. Et pour ceux qui ont voyagé dans beaucoup de pays musulmans, vous voyez que c'est quelque chose qui existe. Et donc notre travail de en tant que, inshallah, gens du tawhid et futurs prêcheurs du tawhid, inshallah, c'est d'apprendre. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'assises, d'apprendre pour justement faire passer le message et sortir les gens de ce genre de croyances fausses, d'accord. Donc Cheikh ici dit et leurs semblables qui cherchent la bénédiction auprès des vivants et des morts et des arbres et des pierres en pensant que cela est l'islam. Et leur embellit cela qui? Celui qui ne craint pas Allah et n'espère pas en Allah, et au jour dernier parmi les adorateurs de l'argent et la notabilité, et qui profite des sentiments des ignorants et des naïfs, les affermisse dans le faux et les pousse à combattre la vérité et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc ici il parle évidemment des gens qui poussent à ça et qui ont un intérêt financier dans cela et qui cherchent le fait de la notabilité. Vous voyez que beaucoup de gens dans les pays musulmans qu'on a dit qui peuvent commettre ce genre d'action, mais c'est simplement parce qu'ils suivent quelqu'un avec qui ils font confiance et qui considèrent parmi les gens de religion et les gens de science, d'accord. Ce qu'on pourrait appeler un du'at ad-dalal plutôt, ceux qui prêchent à l'égarement, d'accord. Et ensuite Cheikh ici nous rapporte fawaid ou ma yu'khadu ma yustafadu mina min al-hadith. An-nahyu اولا الفائده الاولى النهي عن التشبه باهل الجاهليه. Donc le premier point tiré du hadith ici, c'est le premier enseignement tiré de ce hadith, c'est l'interdiction de ressembler aux gens de la jahiliya, aux paganistes, aux polythéistes, d'accord. Donc c'est l'interdiction de leur ressembler. الفائده الثانيه. Vous dites quand je peux aller pour la deuxième, inshallah. Faïdatu thaniya, tashbihu an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam talabahum bi talabi bani Israël. Donc Cheikh ici nous dit le fait que la comparaison faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre leur demande et la demande des fils d'Israël. Pourquoi il a dit? Comment le Cheikh a tiré ça de hadith? Quelle partie? Non, vous avez certes dit comme les fils d'Israël ont dit à Moussa, comme a dit Baru Israël, li Moussa. D'accord, c'est de là qu'a tiré donc ce, on a tiré cette faïda du hadith par rapport à ce point-là du hadith. D'accord, c'est le fait que le prophète a fait la comparaison entre leur demande et la demande des fils d'Israël, Banu Israël. Troisième point, troisième enseignement, أن الفعل الذي يذم فيه بنو إسرائيل تذم فيه هذه الأمة إذا فعلته. C'est un point important ici, que l'action pour laquelle les fils d'Israël sont blâmés, eh bien, cette communauté sera blâmée si elle la commet. On parle de la communauté de l'islam, d'accord ? Ça, c'est une règle aussi, hein ? Je répète. Que l'action pour laquelle les fils d'Israël sont blâmés, Banu Israël, cette communauté sera blâmée si elle la commet, si elle commet cette action, d'accord ? الفائدة الرابعة في الحديث تنبيه على قاعدة سد الذرائع. Règle très importante dans la charia, et inshallah on demande qu'Allah nous facilite un dars dans tout ce qui concerne le maqasid de charia, tout ce qui touche à usul fiqh, qawaid fiqhiya, hein, c'est de d'ailleurs ça me rappelle un très beau une très belle leçon, un dars de Cheikh Hussein Ali Cheikh, l'imam de Médine. Il a rapporté ce qu'on appelle les cinq grandes maqasid de charia, hein, que la religion est venue pour préserver, yani les, certains points. C'est pas le sujet du cours ici, mais ici ce que je voulais dire c'est sad al-dhara'i', c'est une des règles parmi les qawa'id de l'islam, des règles de la charia, et ici on appelle ça qa'idatu sad al-dhara'i', qa'idatu sad al-dhara'i'. C'est quoi cette règle-là ? C'est-à-dire que la religion, elle est venue pour interdire des choses et elle interdit les choses qui amènent à cette chose. D'accord ? Pourquoi on ne peut pas prier à côté d'une tombe ? Parce que ça peut amener à l'association. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se retrouver seul avec une femme dans une pièce ? Parce que ça peut amener à la fornication, naam. Vous voyez, ça, c'est cette règle-là un peu que le cheikh dit ici, d'accord ? Ça s'appelle qa'idatu sadd al-dhara'i'. Sadd al-dhara'i'. Al-dhara'i'. Avec alif, al-dhara'i'. Si vous voulez au singulier, dhari'atun. Hein ? C'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on traduit en français ? Moi, je traduirais ça par la règle de fermer, d'interdire les voies qui amènent à l'interdit. Je pense, Allah Alam, ce serait la meilleure des traductions, Allah Alam, par le sens. C'est pour ça que je vous ai dit que toujours c'est très difficile de traduire ça de manière littérale. Je préfère que vous compreniez la notion et de, hein, de vous rappeler qu'est-ce que c'est. Inch'Allah, on peut essayer de trouver quelque chose d'un savant là-dessus, Inch'Allah, et consacrer un temps là-dessus. Mais je voudrais d'abord rester dans le livre et finir le livre, Inch'Allah. Donc, ce qu'on appelle qa'idat sad dhara'i'. Cinquième point, non, tu voulais ? Cinquième point. وفيه علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Et il y a donc ce hadith un signe parmi les signes de la prophétie. Pourquoi ? Puisque le prophète صلى الله عليه وسلم, ceci est arrivé comme il l'a annoncé, d'accord ? Ceci est arrivé comme il l'a annoncé, d'accord ? C'est-à-dire que فيه علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Non, c'est le Mohammed quand il a dit la tarkabun sanana man kana qablakum. C'est ce que je cherchais justement. C'est-à-dire que vous allez certes suivre les traces, hein, de ceux qui vous ont, les voies de ceux qui vous ont précédé. Et Cheikh, à mon avis, Allah Alam, fait référence à notre imitation des fils d'Israël et des juifs et des chrétiens dans certains points. Hein, d'accord ? Exactement. Et ce qui est interdit, d'accord ? Donc, Cheikh, le prophète sallam ici a dit la tarkabun, hein, vous, certes y a cette, on appelle ça tawkid, hein, nun tawkid ici mushaddada, hein, c'est le fait, c'est le nun d'insistance, la lettre nun, vous voyez la langue arabe comment elle est forte, juste le nun là ça indique une insistance, d'accord. La tarkabun sanana man kana qablakum, vous allez certes suivre les voies des gens qui étaient avant vous, c'est arrivé. Et ça me rappelle une autre riwaya qui, Cheikh ne l'a pas terminé ici. Même si vous allez rentrer dans, hein, pour le trou d'une taupe, hein, d'un lézard, hein, vous allez rentrer. Yani, même si c'est petit, ils vont rentrer, vous allez les suivre. Yani, c'est pour montrer, yani, c'est un genre de moubalara. Yani, vous rentrez à quel point on va les imiter. Et c'est quelque chose qui est réel. Et donc c'est arrivé, et le prophète Hassan l'a dit avant que ça arrive, donc c'est un signe de sa prophétie, d'accord. C'est juste pour ça que le cheikh avait rapporté ici, donc le fait, je répète en arabe ici, wa fihi 'alamun min a'lami an-nubuwwati li kunihi waqa'a kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certes en cela un signe de la prophétie, par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est arrivé comme c'est a été annoncé par lui, comme il en a informé, d'accord. Sixième point et dernier, inshallah. وفيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أشد ما يبعده عن رحمته ويقربه من سخطه. Cheikh ici donc dit, il y a dans ce hadith la crainte de l'association et que l'individu peut penser qu'une chose est bonne et qu'elle le rapproche d'Allah, alors qu'elle est parmi les choses qui l'éloignent le plus d'Allah et de sa miséricorde, et le fait se rapprocher du mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve de cela. Et une petite question ici de ma part ici, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir connaître ce qui nous rapproche d'Allah et ce qui nous éloigne d'Allah? Qu'est-ce qui va, hein? Donc Cheikh ici dit, Cheikh ici rapporte un point très important et dit, il y a la crainte de l'association dans ce hadith et que l'individu peut penser, ça devrait vous indiquer quelque chose, peut penser qu'une chose est bonne et qu'elle rapproche d'Allah alors qu'elle est parmi les choses qui l'éloignent le plus d'Allah et de sa miséricorde. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous permet de faire cette différence-là? La science, non, bilashak, l'ilm. C'est avec l'ilm que tu vas faire ce qu'on appelle un tumayyiz bin al-haq wal-batil. C'est ça que tu vas faire la différence, tu vas discerner, tu vas voir ce furqan entre ce discernement entre al-haq et al-batil. C'est la science. On revient toujours, vous vous souvenez, les premiers dorous, les quatre premiers cours qu'on a fait juste sur l'introduction, la science. Encore une fois, Cheikh ne le dit pas ici, mais on le comprend directement. Hein? C'est l'importance de la science, d'accord. Et avec cela, on a terminé le quatrième hadith, parmi les 21 hadiths ici sur la croyance et l'itiba', donc l'aqidah et l'itiba', la croyance et le suivi. Avec quelques petites questions pour terminer en beauté, Inch'Allah. Qui sait me dire le premier hadith par quel rapporteur, sans regarder dans les notes évidemment, par quel rapporteur il a été rapporté? Ibn Abbas, barakallahu fik. C'est le hadith qui parle de quoi, de manière vraiment générale? C'est quand il a envoyé qui vers où? C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad au Yémen, na'am. Et il lui a fait une recommandation. Il lui a dit, hein, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهِ اللَّهِ وأن محمد رسول الله. D'accord. Puis il a dit, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. Qu'est-ce qu'il avait dit, Cheikh, par rapport aux fawaïd tirés dans ce hadith ici? Il avait dit que on voit la manhajia, la méthodologie dans la da'wa. Première chose, c'est quoi? Tawhid, شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. S'ils acceptent, on passe aux deuxième étape. C'est la salah, mais c'était iqam al-salah. Vous vous souvenez, hein? Le fait de parachever sa prière, hein? De la faire correctement. Hein? Ensuite, fa'in, regardez chaque fois. Fa'in hum ata'uka li dhalik, fa'allimhum anna allaha qad iftarada alayhim sadaqatan tu'khadu min agniyayhim faturaddu ala fuqara'ihim. Qu'est-ce qu'on voit? Troisième étape dans la da'wa, s'ils acceptent, c'est de leur faire savoir qu'Allah leur a prescrit une aumône légale qui est prise de leurs riches pour être rendue à leurs pauvres. Alors il y avait une faïda qu'on avait rapportée de Cheikh Rabi, c'est qu'il disait que le pilier le plus important après le tawhid, après les deux shahada, les deux attestations, c'est la salah. Et après la salah, c'est la zakah. Voilà, ça c'était un point qu'il avait rapporté. Et on avait rapporté aussi que dans le hadith, il y avait un dalil sur le fait qu'on peut donner la zakat à une seule des huit genres de personnes à qui on peut donner la zakat. Et ici, c'était les pauvres. Pourquoi ? Parce que justement, c'est cité, il a dit « Faturaddu ala fuqara'im ». Il n'a pas cité toutes les sortes, alors qu'il y a d'autres sortes. Donc on voit l'autorisation, on avait dit chaque fois on extrait les ahkam shara'iyya du hadith. Hein? D'accord ? Est-ce qu'on avait dit d'autre par rapport à ça, par rapport à ce hadith-là ? وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Qu'est-ce que كَرَائِمْ لَأَمْوَالِ? On avait défini ça. Oui, c'est ça. Le meilleur des biens, le meilleur de l'argent, si tu veux. Qu'on ne peut pas prendre le meilleur, que le percepteur. Et on avait dit, c'est qui le percepteur? C'est le hakim ou naibuhu. C'est le hakim ou son délégué, celui qui perçoit la zakat. Il ne peut pas prendre le meilleur des biens. Il prend, Cheikh Najmi, on avait dit dans le kitab al-Tawhid, il disait... ce qui est quelque chose de milieu, d'intermédiaire, d'accord, dans les biens, hein? Ni le meilleur ni le moins, d'accord. Et wattaqi da'wat al-madloum, ça c'est quoi? C'est une mise en garde sur je dirais plutôt l'invocation de celui qui a subi une injustice, d'accord. Évidemment, de faire attention à, il avait dit, cher, je me souviens exactement, il avait dit toute une mise en garde contre toutes les sortes d'injustice, hein. Pourquoi? L'illah, c'est quoi? فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب. Parce qu'il n'y a pas entre l'invocation de celui qui a subi une injustice et Allah un voile. C'est-à-dire qu'Allah l'accepte directement. On avait dit que le Mashir disait que même le kafir, na'am, si tu as commis une injustice envers lui, eh bien, s'il fait une doua contre toi, Allah Azza accepte cette doua. Donc vraiment, vraiment, c'est une mise en garde, hein, de notre prophète, alayhi sallam, et que le Cheikh ici a reprise. Hein, donc il faut vraiment faire attention à cela. Le hadith a été rapporté dans Bukhari, Muslim, avant, non, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Darimi, Musnad Imam Ahmed, na'am. Deuxième hadith, c'était le hadith de Ubadat ibn Samit. Quelqu'un veut le réciter? Personne ne l'a récité aujourd'hui. Hein? Si, tu l'as récité? Ubadat ibn Samit, on avait dit quoi? Hein? Rajul Anna, Qal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. J'avais dit que je m'étais pas défilé, que j'allais le faire, hein? Donc là je l'ai récité, je me suis acquitté de mon obligation. الحديث أخرجه البخاري ومسلم ترمذي انا في دينه نو ترمذي ابن ماجه كي encore d'autres vous êtes sûr مسلم احمد c'est sûr نعم الدارمي l'a rapporté ou pas regardez aidez-vous de vos notes moi je dis بخاري ومسلم و non, le deuxième, hein? Moi je dis Bukhari wa Muslim al-Nasa'i Ibn Majah al-Darimi Ahmed. Non, voilà. Donc, le deuxième hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui atteste qu'il n'y a d'autre la vérité qu'Allah et que le prophète, le messager d'Allah, la ilaha Muhammad Rasulullah. Donc, ça c'est le premier point, attester que la ilaha Allah. Deuxième point, Muhammad Rasulullah. Et qu'il est son abduhu wa rasuluhu, qu'il est son adorateur et son messager. D'accord? Wa anna Isa abduhu wa rasuluhu. Et que Isa, Jésus, est son envoyé et son serviteur ou adorateur. D'accord? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Qu'est-ce que ça veut dire? Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Le kalima, on avait dit, c'est la parole, c'était qu'il était créé d'une parole qui est kun. Kun. Donc c'est-à-dire le fait de soit et il fut, hein? Donc c'est la il a été créé d'une parole qui était kun, soit, d'accord. Et ensuite ruhum minhu, c'est-à-dire un esprit venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Attention, ici il y a une choubha que les chrétiens rapportent dans la langue arabe. Regarde, ils viennent dans notre langue à nous, ils essaient de mettre des choubhats. Ils disent que ruhum minhu, que le minhu est le tab'id. Min en langue arabe ici c'est une partie de, comme ici, min ummati, une partie de ma communauté. On leur dit non, min, c'est pas toujours tabaï dans la langue arabe. Ici, c'est l'ibtida, c'est en venant d'Allah. Vous voyez, hein, si on ne connaît pas bien la langue arabe, même les nasara peuvent venir nous mettre des choubouhat dans notre aqidah juste avec la langue arabe. On avait dit que l'esprit, c'était quoi? Est-ce que c'est juste un esprit? Qu'est-ce qu'il avait dit sur l'Athaïm dans Shah Kitab Tawhid? C'est un esprit avec un corps, naam. Hein? Et que le fait, l'enfer est une vérité et que le paradis est une vérité. Donc ça, c'était les cinq choses. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inch'Allah, on termine. Inch'Allah, on a déjà terminé notre leçon, mais on termine juste les petites questions-réponses. Donc, c'était les cinq points qu'il fallait connaître pour, si on veut rentrer au paradis. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va laisser l'opportunité aux frères qui veulent prier la sunnah et faire leurs ablutions. Wa jazakumullahu khair al-jaza. Wa subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.